Chers amis, on vous a annoncé une conférence, mais c'est pas, je ne vais pas vous faire une conférence académique. J'aimerais plutôt discuter un peu avec vous, raconter un petit peu la genèse de cet ouvrage et puis échanger, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Schweitzer aussi bien que moi, voire mieux, dans cette assemblée. Donc ça me ferait plaisir qu'on ait quelques propos d'échange. Un certain nombre d'entre vous étaient là il y a 2 ans quand j'avais présenté les années alsaciennes, et puis on avait laissé Albert et Hélène en train de partir pour l'Embarrainer, alors que la mère d'Albert, si j'en crois le témoignage de Suzanne Oswald, avait refusé de lui servir le kouglof lors du Vendredi Saint de 1913, et qu'elle elle les avait laissés partir sans mot dire pour l'Embarrainer. Et puis donc cet ouvrage s'arrêtait avec la clôture, si on veut, de cette période européenne, même si Schweitzer est toujours revenu régulièrement en Europe. Alors, pour cet ouvrage répond à 2 demandes. D'abord, on m'a dit, il faudrait que tu écrives la suite de cette biographie. C'est absolument pas possible, parce que je ne suis pas médecin. Et ça, c'est une condition sine qua non, à mon avis, pour écrire la suite de la biographie de Schweitzer. Donc je pense que Othon est sans doute plus interpellé que moi pour cette deuxième partie de la vie de Schweitzer. Et il y avait un autre défi, c'est que il y a quelques années, Henri Fischer, qui était le directeur des éditions Olivetan, était venu me voir et m'avait dit, maintenant la collection Figures protestantes, nous avons un Calvin, on a hélas déjà un Luther. Je dis hélas, mais bon, il n'y a pas que les Alsaciens qui ont le droit d'écrire sur Luther, hein, y a pas, ni même que les luthériens. Et donc, mais Schweitzer, ça serait quelque chose de bien. Et donc, j'ai un peu hésité, parce que prier 15 jours avec Schweitzer, puis un ouvrage sur Schweitzer, vous savez, on n'a pas trop de Schweitzer, risque aussi de tuer Schweitzer. Et puis la difficulté, c'est qu'on n'a pas envie de se répéter, de faire de la petite monnaie quand on a écrit un gros livre. D'un autre côté, c'était assez stimulant, parce que il s'agissait pas seulement d'écrire la biographie, dont j'avais de loin pas tous les éléments, mais surtout de travailler sur la pensée d'Albert Schweitzer. Et ça m'a intéressé, parce que ça fait quelques années, et il y a des étudiants qui sont là qui le savent, que je donne depuis 2005, depuis que Bernard Kempf avait fait son premier cours sur Schweitzer à la faculté. Il se trouve que la même année, dans une autre optique, j'avais aussi décidé de parler de Schweitzer, puisqu'on était dans une année ronde pour Schweitzer, une année en 5. Ça fait quelques années que je présente à la faculté des éléments de la pensée de Schweitzer. Et je me suis dit que le moment était peut-être venu d'approfondir ces choses. C'est faire un cours, c'est pas la même chose qu'écrire un livre. Même si autrefois, on a eu des enseignants qui écrivaient des livres et qui après nous les lisaient. À toutes les époques, vous le savez, je vous vois sourire d'ailleurs. C'est quand même pas la même chose. Il y a un autre type de travail. Et donc, c'était un petit peu un défi de reprendre cette matière sans me répéter, en tenant quand même compte des acquis qui étaient les miens, pour essayer de présenter la pensée de Schweitzer après avoir parlé de sa biographie assez rapidement. Et c'est donc comme cela qu'est né cet ouvrage. Alors j'ai eu la chance de ce qu'il y a, avant que cet ouvrage ne soit rédigé, paraisse notamment un article de Othon Prinz sur la jeunesse de Schweitzer et sur les souvenirs de mon enfance de Schweitzer, où il raconte comment cet écrit finalement a été rédigé, dans quelles circonstances, et ça m'a permis d'être plus précis dans la partie biographique de Schweitzer que je n'avais pu l'être dans cet ouvrage-là, parce que je ne connaissais pas encore ces fameuses sources qui ont été découvertes il y a un an à peu près. Alors donc, une première partie de cet ouvrage présente la vie de Schweitzer, essaye de répondre aussi à des questions telles que, pourquoi est-ce que Schweitzer, dans les années 20 et 30, surtout 30, n'a pas écrit contre le nazisme, par exemple. On a des renseignements importants dans des ouvrages comme celui de Thomas Suhrmann sur Albert Schweitzer et la politique, par exemple. Il faut évidemment dépasser 1913 pour se poser aussi la question de la célébrité de Schweitzer, de la manière dont il l'a vécu. Il faut évidemment rappeler qu'en 1924, Hélène ne peut pas le suivre et que c'est le grand sacrifice de sa vie, que d'ailleurs Albert Schweitzer la remercie de lui avoir permis de se consacrer encore à son hôpital. Donc prolonger tout d'abord la vie de Schweitzer jusqu'à son terme, en étant évidemment assez succinct, en pouvant pas bénéficier de tout ce qu'il y a, toutes les lettres qui dorment encore aux archives de Günzbach et qui demanderaient à être exploitées parce que c'est une mine absolument formidable. Il y a les dossiers médicaux, il y a les lettres pour écrire un deuxième gros Schweitzer, c'est des choses à exploiter. Et puis ensuite, j'ai essayé de présenter sa pensée. Alors j'ai quand même rappelé dans un premier temps les circonstances un peu particulières qui avaient fait qu'il était parti en Afrique alors que d'abord il avait voulu adopter des orphelins. Ça, ça me paraît quelque chose d'important et je crois que c'est une information qui a fait son chemin. Il y a plus en plus de gens qui le savent maintenant, que ce n'était pas son but premier. Alors que souvent, on avait dressé une ligne droite entre les lectures qu'il faisait quand il était enfant, le fait qu'il écoutait les sermons de son papa et le fait qu'il soit parti en Afrique en passant par l'année de ses 21 ans où il veut absolument se vouer à un service purement humanitaire lorsqu'il aura atteint l'âge de 30 ans. Et puis, donc, en quatre chapitres, j'ai présenté sa pensée en m'intéressant tout d'abord à Albert Schweitzer, à une constante dans sa pensée qui traverse à la fois sa prédication et son enseignement, c'est la question du royaume. Le royaume de Dieu, c'est très important chez Schweitzer, et c'est, il s'y intéresse pas seulement en tant que spécialiste du Nouveau Testament. Il se demande pas seulement est-ce que Jésus pensait que le royaume arriverait de son vivant, ou est-ce qu'il arriverait après. Ça, c'est une question purement intellectuelle. Mais la question de Schweitzer, c'était plutôt de se dire qu'est-ce que nous pouvons faire avec cette notion ? Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment quelque chose qui traverse ses enseignements, ses livres, comme son histoire des recherches sur la vie de Jésus, voire ses recherches sur Paul, et en même temps ses sermons. Parce que lorsque Schweitzer parle du royaume, c'est toujours pour dire à ses paroissiens, vous pouvez être des ouvriers et des ouvrières du royaume. Il est difficile de trouver dans les écrits de Schweitzer une définition du royaume. Il y en a plusieurs. Une de celles qu'il donne, c'est le fait que peu à peu, les hommes et les femmes soient toujours plus pénétrés de l'esprit de Jésus. Ça, c'est l'avancée du royaume. Pénétrés de l'esprit de Jésus et agissent dans cet esprit. Et ce qui m'a intéressé alors, en présentant ce chapitre, c'est de montrer la grande cohérence. Schweitzer est un homme d'une forte cohérence. Je crois que c'est quelqu'un qui est mûr très tôt, qui a des idées sur lesquelles il ne va pas revenir, mais qu'il va développer, qu'il va approfondir. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve dans les années tardives, mais dont il a déjà posé les bases avant 1913, avant de partir pour l'Afrique. Je ne dis pas qu'il n'a plus rien dit de neuf, mais c'est un peu comme Luther, vous savez, qui, une fois qu'il a trouvé le salut par la foi seul, évidemment qu'il va l'expliciter, il va utiliser des images, mais après être passé par des tourments, des questions, etc., ensuite la pensée est formée, il ne va plus aller dans un autre sens. C'est une sorte de roc, les réponses sont trouvées, et puis on avance. On peut approfondir, on peut creuser les problèmes, on peut répondre à des interrogations accessoires, mais l'essentiel est là. Les bases sont jetés. C'est la même chose pour Schweitzer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit ses cours et quand on lit ses prédications, alors il ne confond pas la chair du professeur avec la chair du pasteur. Et en même temps, si vous prenez la fin de son histoire des vies de Jésus qu'il a dite devant ses étudiants, vous avez la même conclusion dans l'édition de 1906 et la deuxième édition de 1913. Ce qui est tout à fait intéressant chez Schweitzer, c'est qu'il nous dit quelle relation on peut avoir aujourd'hui avec Jésus. Et ça, il le dit dans un cours de Nouveau Testament. Il dit à ses étudiants, eh bien voilà maintenant ceux qui agissent dans l'esprit de Jésus en ce qu'il leur sera donné de connaître des obstacles, mais aussi des joies, etc. Vous connaissez cette fameuse finale, il se révélera à eux et ils sauront qui il est. Ça, il le dit dans un cours qui devient un livre, et à l'inverse, dans ses sermons, Schweitzer enseigne aussi. Il ne confond pas, je le répète, la chair de l'enseignant avec la chair du pasteur, mais il y a dans ses prédications toujours à la fois ces deux éléments qu'on voyait traditionnellement dans le sermon. Il faut doquerer, il faut instruire, et puis il faut mouerer, ça veut dire non seulement émouvoir, mais aussi pousser à l'action. Et souvent, dans les sermons de Schweitzer, vous n'avez pas première partie, je vous explique le texte, deuxième partie, je vous dis ce qu'il faut que vous en fassiez. Mais les choses sont mélangées assez habilement dans ces sermons, mais je dirais que le ton de basse, celui qui accompagne tous ces sermons, c'est quand même les prédications pour le royaume, c'est-à-dire vous êtes chacun appelé à être inspiré par Jésus, à faire en sorte que le monde soit de plus en plus pénétré par l'esprit de Jésus, et vous l'êtes chacun à votre place. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Donc j'ai essayé de présenter cette notion fondamentale du royaume en lien avec la vocation. Et ce qui me plaît toujours beaucoup chez Schweitzer, c'est qu'il dit clairement que chacun à sa place peut œuvrer pour le royaume. Quand il est jeune, il pense que chacun peut le faire dans le cadre de son métier. Et puis il se rend compte qu'il y a des métiers qui sont sans doute moins gratifiants que d'autres, où on a du mal à voir le lien avec le royaume. Et alors il appelle les gens qui sont dans ces métiers peut-être difficiles ou ingrats à trouver une occupation seconde, si on veut. Nous, on dirait peut-être un travail de bénévolat ou autre chose à côté de cela. Et la prédication de Schweitzer la reste aussi très cohérente. Très jeune, il parle du royaume, il en parle pendant tous ses sermons, et il y a toujours cette double dimension. Schweitzer nous dit dans Ma vie et ma pensée, en moi le savoir est pessimiste, mais le vouloir est optimiste. Je me rends compte que la situation qui est la nôtre est une situation à bien des égards difficile. Schweitzer n'a jamais dit que la crise résultait de la Première Guerre mondiale. Mais il a toujours dit que la Première Guerre mondiale était une conséquence logique de la faillite morale, voire intellectuelle, de l'Occident à la veille de cette guerre. Donc le savoir est pessimiste, ou en tout cas réaliste, mais néanmoins le vouloir est optimiste. C'est-à-dire que malgré toutes les crises qu'il traverse, malgré les deux guerres que Schweitzer va connaître, même s'il ne les vit pas, peut-être sur les pires champs de combat en Europe, eh bien, dans les années 50, lorsqu'il lutte contre les essais nucléaires, il continue de penser, lorsqu'on aboutit à des résultats, qu'une aurore nouvelle se lève sur l'humanité. Donc, il y a cet optimisme de Schweitzer. Je ne sais pas, j'ai déjà posé souvent la question, comment est-ce qu'il réagirait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait. Mais il faut voir aussi que à l'époque de Schweitzer, vous aviez la crise des missiles à Cuba, vous aviez énormément de mauvaises nouvelles, et pourtant il disait, en moi le vouloir est optimiste. j'aimerais bien, c'est peut-être une petite remarque à la presse, je suis toujours content quand dans Le Messager, je trouve des bonnes nouvelles. Je trouve qu'il faudrait qu'on fonde un journal de bonnes nouvelles, qu'on ne parle pas seulement de tous les trains qui arrivent en retard, de tous les malheurs qui s'abattent sur l'humanité, et on a l'impression qu'ils s'abattent sur nous. En 15 minutes de journal télévisé, on doit absorber tout cela, et ça donne une impression tout à fait horrible, mais de souligner aussi les choses qui sont positives, n'est-ce pas ? Ça me paraît vraiment quelque chose d'important. Donc, ce vouloir qui est optimiste chez Schweitzer. Alors, après cette question royaume, il y avait d'autres problèmes qui étaient incontournables. J'aimerais en mentionner deux. Évidemment, la question de Schweitzer et des Africains. Je ne pouvais pas en parler en m'arrêtant en 1913, mais il fallait en parler en traitant de la pensée de Schweitzer. La question étant la suivante, est-ce que le théoricien du respect de la vie s'est montré un homme respectueux des personnes qu'il a côtoyées, qu'il a croisées à l'Ambaréné, des gens qu'il a soignés, puisque vous savez que lorsqu'on parle de Schweitzer, souvent, l'image qui vient, c'est celle d'un colonialiste. Je me souviens très bien que lorsque l'université des sciences humaines de Strasbourg, qui était la seule à ne pas avoir de nom, à côté de l'université Pasteur et de l'université Schumann, avait voulu adopter un nom, les théologiens avaient proposé le nom de Schweitzer. Et des collègues d'autres facultés, je ne vous dirai pas lesquelles, ont dit textuellement, nous n'allons pas donner à l'université le nom de Strasbourg, le nom de quelqu'un qui menait les Noirs à la trique. C'était dit dans ces termes. Donc ça représentait un peu l'image de Schweitzer. Donc il fallait se confronter à cette question. Alors heureusement pour moi, elle a été abordée par un certain nombre de travaux importants qui ont paru ces dernières années. Le travail de Thomas Suhrmann sur Albert Schweitzer, autant je ne sais pas si tu connais et la théologie et la politique et la Albert Schweitzer, je crois, als Politiker, où il montre d'une part, alors il raisonne en historien ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que quand on examine la question Albert Schweitzer et les Africains, il ne faut pas l'examiner à partir des relations les plus idéales que nous avons aujourd'hui avec les Africains. Il faut l'imaginer. Ça paraît évident, mais je vous assure que ça ne l'est pas généralement. Il faut partir de ce que les gens pensaient avant lui d'abord, les gens qu'il a lus, et là des ouvrages comme ceux de Suhrmann montrent clairement, avec des citations très nombreuses à l'appui, que la question en effet c'était de savoir s'il fallait ranger les Noirs dans le domaine de l'animalité ou non. C'est assez impressionnant, surtout en lien aussi avec ce massacre des Hereros et des Namas en Afrique du Sud dans les années 1907-1908. Donc il fallait s'affranchir d'une pensée largement dominante, notamment dans la littérature allemande, mais pas seulement, et puis la manière dont les contemporains de Schweitzer pensaient ces relations. Et alors ce qui apparaît, c'est que Schweitzer se situe chaque fois à contre-courant. Dans les années où il prêche à Strasbourg, il est clairement un adversaire de tous les excès du colonialisme, alors qu'il est extrêmement isolé. À l'inverse, dans les années 1950-1960, il n'attend rien de bon de la décolonisation si elle n'est pas aussi accompagnée par, je dirais, le fait de poser des fondements moraux de la politique. Il ne s'agit pas simplement de changer de gouvernance, il s'agit de réfléchir à ce que l'on va faire, il s'agit d'agir de manière éthique, sinon, dit-il, le pouvoir sera rapidement confisqué, il ne sera pas utilisé pour le bien commun, et il sera dans les mains d'une clique. Et alors ce qu'on a reproché à Schweitzer, c'est bien sûr que là, il ne se situait pas dans l'ère du temps, et on lui en a voulu. Alors en France, on lui en a voulu d'autant plus que un autre problème qu'on va aborder maintenant, la question de l'opposition aux armes nucléaires. Alors, pour ce chapitre sur Schweizer et les Africains, j'ai aussi bénéficié des travaux, du travail qui a paru en même temps que ma petite biographie de 2013. C'était l'ouvrage d'Augustin Eman, qui se lit d'une traite, qui s'appelle « Dr. Schweizer, une icône africaine ». Et dans l'ouvrage de Eman, qui est né lui-même à Lambaréné, parce qu'on avait dit à ses parents que là-bas les gens étaient bien traités, Eman raconte notamment, au contraire de l'image que donne de Schweizer le film de Bassek Bakobio, qui insinue qu'il aurait eu des relations avec les africaines et que donc il se serait situé dans la logique du colonisateur pour lequel eh bien, la femme africaine était simplement là pour satisfaire des besoins sexuels. L'enquête qu'a menée Eman, une enquête vraiment anthropologique avec des entretiens sur des années, montre qu'au contraire, l'image que Schweizer a laissée aux Africains, c'est celle d'un blanc bizarre. Un blanc bizarre parce que justement, il ne s'intéressait pas sous ce rapport aux femmes africaines et que d'autre part il était bizarre parce qu'il saluait les Noirs. Il était bizarre parce qu'il saluait les Noirs et Eman raconte des anecdotes en disant dans certains milieux coloniaux le Noir est une figure invisible. C'est pas, il est là pour tendre le plateau ou c'est le boy mais on va pas le saluer. Et donc Schweizer de ce point de vue là était quelqu'un de tout à fait atypique. L'ouvrage d'Eman montre aussi que Schweizer était d'une certaine manière ouvert à la culture africaine. On a parfois reproché à Schweizer de venir seulement pour apporter, mais de ne rien vouloir recevoir. Alors à cela, on a répondu d'une part que la culture qu'il a rencontrée parmi des peuplades qui étaient surtout déracinées, puisqu'elles avaient été enlevées à leur village pour être mises au service, n'est-ce pas, de l'abattage et du transport du bois. Il n'a pas rencontré une civilisation avec une religion traditionnelle aussi poussée, par exemple, que le peuple Dogon, si on veut. Et puis, mais la deuxième objection, enfin, l'objection tombe en partie parce que Eman montre que Schweizer, eh bien, connaît un certain nombre de termes africains, qu'il est familier de l'univers culturel africain aussi sur le plan médical, qu'il ne méprise pas nécessairement les savoirs ancestraux, à condition bien sûr qu'on ne se fasse pas traiter pendant des années par le sorcier et puis qu'on vienne ensuite le consulter quand le cancer est en phase terminale. Mais pour le reste, donc une certaine ouverture. Et alors, j'ai fait mon profit de ces travaux d'Eman et aussi de ce que je connais pour essayer de rectifier le tir, enfin de montrer que il faut voir Schweizer en tant qu'historien, éviter le péché d'anachronisme et puis le voir à travers les yeux des Noirs, souvent plus présenté de manière plus positive qu'à travers les yeux des Blancs de cette époque qui souvent venaient pour un bref séjour à Lambaréné et repartaient en ayant tout compris et rédigé leurs papiers. Et puis, un des derniers chapitres de cet ouvrage, et qui m'importe beaucoup, c'est la question de Schweizer et de la paix. On a souvent dit que Schweizer était un homme courageux. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour les théologiens comme Schweizer ou Bonnefer, parce que je me demande souvent avec angoisse, qu'est-ce que tu aurais fait dans des périodes troublées? Qu'est-ce que tu aurais fait sous le Troisième Reich? Et je me dis souvent, j'aurais sans doute pas été un héros, j'espère que je n'aurais pas été un collabo, j'aurais sans doute fait partie des 90% de personnes qui attendent que ça se passe pas trop mal, qui essayent de faire en sorte que leur famille, leur conjoint soient protégés. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes qui ont vraiment fait preuve de courage. Et Schweizer a fait preuve de courage d'une part en partant pour l'Afrique, ça on le sait, sous un climat extrêmement insalubre. Il a fait preuve de courage aussi à plusieurs reprises lorsqu'il a prêché, plaidé en faveur de la paix. J'aimerais vous donner simplement un exemple qui est pour moi le plus impressionnant. J'ai beaucoup étudié ces dernières années les sermons de guerre, ou si on veut dire les sermons prononcés pendant la Première Guerre mondiale. Alors, il est vrai que ces sermons posent un problème de méthode, parce que la plupart des sermons qui nous sont conservés, qui ont été imprimés, sont nécessairement des sermons favorables à la guerre, plutôt nationalistes. Il n'est pas évident qu'une personne ait pu, en août 1914, prêcher dans un autre sens, et il est encore moins évident qu'elle ait pu continuer son ministère si elle l'avait fait, et que ses prédications étaient de surcroît imprimées. Donc ces sermons de guerre posent évidemment un problème. Mais il n'empêche que, à l'automne de 1918, au moment où on célèbre au Temple Neuf un Te Deum, dans lequel on dit clairement la prédication tenue par l'ancien collègue de Schweitzer, Gerold, qui avait été suspendu de prédication au début de la Première Guerre mondiale parce qu'il était francophile, remercie clairement Dieu d'avoir donné la victoire aux soldats français. En même temps, vous avez Schweitzer qui est revenu dans des conditions difficiles d'Afrique, qui n'est qu'un simple vicaire, il n'est toujours pas pasteur titulaire, qui prêche alors que les troupes allemandes viennent de quitter Strasbourg et que les troupes françaises sont entrées dans la ville, et qui prêche ce merveilleux sermon du 24 novembre 1918, où il dit, ben voilà, pour la cinquième fois maintenant depuis le début de la guerre, nous célébrons les morts de gens de notre paroisse, mais ce ne sont pas des gens qui sont morts de manière naturelle. Et Schweitzer, dans le début de cette prédication, dépeint sans fard la guerre. C'est une description assez impressionnante où il dit clairement il y a des gens qui sont morts accrochés dans des barbelés, dans d'atroces souffrances, d'autres qui se sont noyés dans des sous-marins, etc. Et il dit, que devons-nous faire maintenant ? Il déclare d'une part que ces gens qui ont lutté pour une patrie ou pour une autre forment maintenant une unique masse d'êtres humains qui ne sont plus divisés par les antagonismes nationaux, et il dit il faut que nous leur promettions, nous, à toutes ces personnes qui sont tombées, et qui, dit-il, et elles sont tombées, les uns certes sont morts et leur pays a triomphé, les autres sont décédés et leur pays a été vaincu. Il ne dit pas « grâce à Dieu », mais il dit « ce sont des circonstances extérieures qui ont décidé de la victoire ou de la défaite ». C'est impressionnant. Il dit « à toutes ces personnes, à tous ces Menschen », il ne dit jamais « allemand » ou « français », à tous ces Menschen, il faut leur promettre que maintenant, enfin, nous respecterons beaucoup plus que nous l'avons fait jusque-là le commandement « tu ne tueras point ». C'est dans cette prédication qu'il dit que la loi de bronze ou d'airain qui gouverne désormais le monde soit le respect de la vie. C'est pour la première fois à Strasbourg, en chair, puisqu'il en avait déjà parlé rapidement en 1912 dans un cours, que les mots respect de la vie sont lancés. Et, vous le savez, cette prédication a valu à Schweitzer d'être surveillé par la police. Et je pense, ça c'est une thèse tout à fait personnelle, je pense qu'elle lui a aussi valu de ne pas enseigner à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Quand j'ai été étudiant, il y a une trentaine d'années, que je présentais mon mémoire de maîtrise sur l'histoire de la faculté de Strasbourg, je me souviens de Rodolphe Peter qui vient me voir, il avait trouvé un papier tout à fait intéressant. C'était une lettre signée par le doyen Lobstein, Fernand Ménégo, un professeur de dogmatique, et Albert Schweitzer, qui demandait que pour l'année 18-19, eh bien Schweitzer puisse aussi donner des cours, 5 heures de cours par semaine sur le Nouveau Testament. On se trouve avant cette prédication de 1918, donc on a l'impression que Schweitzer, pour un temps limité, puisqu'il repartira pour l'Afrique, va faire partie des enseignants de l'Université française de Strasbourg. Document que j'avais édité à l'époque, et puis ensuite, curieusement, on n'entend plus parler de Schweitzer. On n'en entend pas parler dans le registre de délibération de la faculté. On n'en entend plus parler dans le programme des cours. Il n'y a qu'une explication à cela, à mon avis. Alors, ou peut-être deux. Il était marié à une Allemande de souche. Ce n'était pas très bon, évidemment, pour lui. Et puis, en plus, il y avait cette fameuse prédication. Or, Schweitzer, même s'il n'envisageait pas de finir sa carrière comme professeur, eh bien, je crois que ça lui aurait fait très plaisir de redonner des cours. Il aimait cela à la faculté française pendant quelque temps. Donc, un homme courageux. Dernière parole, lorsque Schweitzer s'est opposé aux essais nucléaires, on a menacé, tant en Allemagne, République fédérale d'Allemagne, qu'aux États-Unis, de lui couper les vivres, c'est-à-dire d'arrêter de soutenir financièrement son hôpital. Il y a eu des appels au boycott dans la presse. Et quand on connaît l'importance que l'hôpital revêtait dans la vie de Schweitzer, on est d'autant plus ému à la pensée qu'il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé, il a estimé que ses convictions lui demandaient de lutter pour ce désarmement et non pas de dire « il y a d'un côté les athées soviétiques qui sont d'affreux criminels et puis de l'autre les pays dans lesquels il est tout à fait normal d'installer des fusées nucléaires ». Donc ça aussi c'était une forme de courage parce que d'une part il perdait en popularité en Occident et d'autre part il pouvait penser que l'avenir de son hôpital serait menacé. Et c'est sur cette question de la paix que je termine cet ouvrage donc, qui se veut une présentation pas du tout exhaustive, mais une sorte de parcours à travers la vie rapidement et puis de manière plus approfondie à travers la pensée de Schweitzer. C'est pas un ouvrage qui est grevé de notes de bas de page. J'ai simplement tenu, et les éditions Olivier Tan sont très correctes sous ce rapport, que j'aime bien quand je donne un texte source qu'on puisse le retrouver. Il n'y a rien de pire que quand je feuillette un bon livre avec des belles citations et on ne sait pas d'où elles viennent. Donc les seules notes concernent généralement les textes de Schweitzer qui ont été systématiquement retraduits lorsque c'était des textes originaux qui étaient cités, et puis il y a une bibliographie ensuite qui permet un petit peu d'orienter le lecteur. Voilà, j'ai déjà trop parlé, je serais heureux d'avoir un petit moment d'échange avec vous. Merci beaucoup. Parce que tu m'as interpellé un petit peu, Mathieu, je voudrais d'abord te remercier pour la richesse et la simplicité de ton nouvel ouvrage et peut-être aborder un tout petit peu cette question de Schweitzer avec les Africains. J'ai encore eu la chance de rencontrer beaucoup, beaucoup d'Africains qui ont connu Schweitzer, qui ont grandi à l'hôpital, qui ont donc vécu avec lui, qui ont été soignés par lui. Je peux dire que la totalité voyait en lui un père bon. À tel point que je me souviens, une petite anecdote, le tailleur de l'hôpital, employé à l'hôpital, m'a dit, oh, tu sais, il était très bon, le docteur Schweitzer, très bon avec moi. Regarde, il descend son froc, il me montre sa fesse droite, il me dit, il m'a donné une raclée que je n'oublierai jamais, tellement il était bon. Parce que j'avais déniché des tisserands, donc ces oiseaux-là, et puis quand il m'a attrapé, il a pris son tablier, il l'a trempé dans l'eau, il m'a battu les fesses pour que ça fasse vraiment mal. Et après coup, il m'a emmené dans sa case et il m'a expliqué que j'étais pas bien de ce que j'avais fait. Donc cette image de ce père, ouais, le père africain, hein, le père de Fouetta. Autre petite anecdote pour montrer quand même une ouverture, aussi une parole d'Africain, l'ouverture de Schweitzer vis-à-vis des autres. Il y avait des tensions excessivement fortes entre l'édition protestante et l'édition catholique, à l'embarrer aussi. Schweitzer était très ouvert à ce niveau, et voilà ce qu'il me dit un Africain, tu sais, il était extraordinaire, le grand docteur. Il a tout soigné, il a soigné les noirs, il a soigné les blancs, il a soigné les animaux, il a même soigné les arbres. Et pour terminer, je veux te dire, il a même soigné les catholiques. C'est une anecdote, mais pour montrer toute cette ouverture. Par contre, son prédécesseur, celui qui a fondé la station missionnaire de Lambaréné, Nassau, s'intéressait autrement, plus que Schweitzer, à la pensée. Bon, tout. Il parlait quatre langues, Nassau. Schweitzer, dans une des toutes premières lettres, suite à une prédication, il écrit, je crois que c'était à sa sœur, le jour où je parlerai au moins une des langues, formes, par exemple, ce sera encore plus intéressant pour moi de prêcher. Il n'a jamais appris la langue. Mais est-ce que Schweitzer était doué pour les langues? Je me suis posé la question parce qu'il n'était pas bon en anglais. Il le dit d'ailleurs dans un de ses ouvrages, il a négligé la littérature, enfin on ne pourrait plus faire ça aujourd'hui hein, si on soutient une thèse, il a négligé la littérature anglaise, c'était toujours Hélène qui faisait de la publicité dans les pays anglophones. Il avait un allemand qui n'était pas mauvais, mais c'était un allemand d'Alsacien. Si on... Je me suis demandé si combien lui trouvait des failles. Je ne pense pas qu'il était très doué pour les langues, mais je peux me tromper. Je pense voilà. qu'il trouvait une bonne excuse pour l'anglais. Il a dit, dans ma générosité, je n'ai pas poussé la bourse Cole qu'on m'avait octroyée jusqu'au bout et que je ne suis pas allé en Angleterre étudier encore. J'aurais pu, mais je voulais que mon successeur puisse profiter, tu connais cet épisode, puisse profiter. Et après, il a dit, j'étais idiot parce que comme ça, j'aurais pu apprendre l'anglais. Non, je crois qu'il n'était pas doué, ce qui est étonnant parce qu'en général, les musiciens sont relativement doués. Il n'était pas doué, mais je crois qu'il ne s'est pas donné le... Il n'avait pas le temps. C'est assez compliqué. C'est son successeur, alors Walter Munz, qui parlait deux langues, a toujours dit qu'il connaissait quelques mots, mais... Autre chose, mais là, après je m'arrête, la question juive, là... terriblement interpellé et j'ai eu de longues conversations avec Léna, sa fille, qui tout à coup avait pris à la fin de sa vie conscience qu'elle était juive. D'accord. La maman, c'est juive. Oui. La maman était née juive. Oui, tout à fait. Dans la tradition judaïque, un enfant d'une femme juive. Et elle m'a dit qu'il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à comprendre, à métaboliser ce qui était arrivé en Allemagne. Il ne croyait pratiquement pas que ça pouvait, que cette grande idéal de l'Allemagne qu'il avait, que ça pouvait arriver. Pourtant, il n'avait aucune estime pour les nazis dès le début. Mais souvent, les personnes les ont d'abord considérées sur le plan moral, en disant, voilà, ce sont des voyous, ce sont, enfin, loin même chez des gens comme Bonnefer au début, et puis après, rapidement, enfin, pour les plus lucides, on en vient au cœur de l'idéologie. C'est pas simplement le jugement moral sur les personnes, voilà, qui sont des... Léna se souvenait bien, donc sa fille se souvenait bien des angoisses qu'ils ont, parce que s'ils avaient été rappelés... Bien sûr, tout à fait, puisqu'ils étaient à Paris dans la... Oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Et donc j'ai appelé cet ouvrage « La compassion et la raison » parce qu'il me semble que c'est vraiment... Schweitzer a toujours voulu une théologie raisonnable, un discours sur Dieu qui puisse être intelligible à ses contemporains. C'est sa dimension libérale, hein, je dirais, tout à fait normale, en prise avec la culture de son temps. Et en même temps, là, la compassion, alors, il disait parfois « respecter la vie », c'est pas seulement s'abstenir de faire le mal. C'est vraiment mitleiden, c'est souffrir avec, et puis même plus, intervenir pour faire cesser la souffrance. Donc la compassion, je trouvais que c'était quelque chose d'important. Je crois que vous avez bien choisi, c'était en Afrique, je l'ai perçu comme ça à travers les noirs que j'ai rencontrés, c'était une compassion au second degré, c'est-à-dire à la fois une grande fermeté, une fonction éducative, un peu du blanc par rapport... Je pense qu'il a assez souffert, en tout cas dans ses prédications, mais qui sont peu conservées, mais que j'essaie d'exploiter les prédications africaines. On n'en a que pour les années 13 et 14, puis sauf erreur de ma part, 1931-32. Un des leitmotifs, c'est en effet... ce qui lui pose problème, c'est la division entre les gens d'ethnies différentes, n'est-ce pas, que tel Africain puisse dire à Schweitzer, celui-ci n'est pas un frère pour moi. Et ça, on le sent aussi dans les lettres de l'hôpital de Lambaréné, qu'il faudrait à mon abri éditer. On les a sous forme de fascicules, mais ça vaudrait le coup de les rééditer en ouvrage. C'est à la fois pittoresque et très important. On voit cette souffrance de ce que il y a cette division ethnique, et je pense qu'il songeait aussi à cela lorsqu'il avait des craintes par rapport à la décolonisation. Alors il est vrai que dans un autre domaine, on sait aussi que les colonisateurs ont souvent joué sur ces différences et les ont parfois même accentuées. En tout cas pour Schweitzer, c'était... Léon Bas, le premier président, l'a quand même été chez lui, à l'abri. Donc il a pris à un certain moment des positions politiques. Oui, tout à fait. Témoigner de peut-être évoquer le serment de novembre 18. Il se trouve que dans la méditation d'un conseil restreint de Népal, la personne qui menait la méditation nous a lu ce serment. C'était pour moi, c'était un choc, comme pour beaucoup, enfin pour ceux qui l'ont entendu, parce que c'est se dire que ça a été dit alors même que les fusils étaient presque encore chauds. Oui, tout à fait. Écrire avec autant de réalisme et de et en même temps de choses dépassionnantes, enfin, au-delà de cette énorme tension nationaliste, c'est vraiment enfin, extraordinaire. Enfin, je trouve que... enfin, moi, je suis ému chaque fois que je le relis. Et alors, j'ai trouvé, mais je ne sais plus, là, j'ai une petite hésitation, pardonnez-moi, sommes en train de préparer l'exposition Schweitzer qui aura lieu à la BNU. Donc c'est Benoît Wirmann qui est commissaire de l'exposition avec Jean-Paul Sorgue, mais j'ai été chargé de sélectionner des textes théologiques et j'ai trouvé aux archives de Günzbach, mais maintenant j'ai une petite incertitude, c'est soit ce sermon du 24 novembre, soit le sermon précédent d'octobre 18, manuscrit de la plume de Schweitzer, donc on l'exposera lors de l'exposition, et c'était vraiment très émouvant, parce qu'il y a un certain nombre de prédications qui nous sont conservées que sous la forme de Niederschrift, enfin des prédications qui n'ont pas été conservées, qui ont été recopiées, etc. Donc ça, on a une de ces prédications de l'automne 18, je crois, j'espère que c'est celle du 24 novembre qui sera présentée lors de l'exposition. Je ne sais pas au sens, est-ce qu'elle a été traduite in extenso dans les cahiers ? C'est pas, hein, parce que... Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a encore énormément de matériel direct à Syracuse. Oui. C'est lié au fait, c'est dommage que ce soit pas maintenant, mais c'est lié au fait que sa grande copine, Erika Anderson, était de cette région et a confié ça à l'université de Syracuse. Et là, il y a encore vraiment des choses extraordinaires. Tous les petits cahiers qu'il tenait... ces carnets avec les plaques, avec tout ce qui lui passait dans la tête, c'est absolu, c'est pas exploité. Mais les Américains pourraient peut-être digitaliser ça, souvent ils ont les moyens pour... ils sont en train de le faire un petit peu, mais comme ils n'écrivaient pas en anglais, ils ne sont pas trop... D'accord. Donc il aurait écrit des t-shirts aussi. Oui. Donc il faut y aller, il faut envoyer un étudiant pour quelque temps au toit. Prendre une année sabbatique et aller à... Ah, mais ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas chez nous. Même un semestre sabbatique n'existe que si on a occupé des fonctions vraiment importantes au niveau de l'université. Vous avez le droit à congé pour reconversion thématique pendant 6 mois, quelque chose comme ça, mais ça n'existe pas, malheureusement. Chez les pasteurs non plus, dans les pays aussi. Tout à fait. Oui. Merci de ces précisions. L'idée de son engagement pour la paix, est-ce que c'est lié à sa vision du royaume, de cette eschatologie réalisée qu'il est en mesure d'interpeller tout le monde pour que ça se réalise vraiment ? Alors ce qui est intéressant, c'est quand lorsqu'il fait des discours sur la paix, évidemment, même si dans les prédications d'avant-guerre, vous avez souvent des versets comme « je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix » ou d'autres choses, lorsqu'il s'adresse aux uns et aux autres, il n'y a plus de dimension religieuse dans ses exhortations, c'est plutôt la raison là qui prédomine. Alors peut-être que profondément lui-même, cette paix, ça faisait partie de l'avancée du royaume, en effet, lorsqu'il s'adresse à des dirigeants de pays très, très différents ou à des hommes de bonne volonté, puisqu'il voulait convaincre surtout les opinions publiques, c'est vraiment l'homme raisonnable qui parle en disant en quelque sorte, il faut que nous nous aidions les uns les autres, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des imbéciles, puisque l'arme atomique, on sait qu'elle n'a pas seulement des effets sur ceux qui sont frappés ponctuellement, mais que ça va plus loin dans le temps comme dans l'espace. Et puis, avant la Première Guerre mondiale, il vit toute cette décennie avant 1914 qui est marquée par de nombreuses crises. Hein. La question, j'ai l'impression, qui se posait, c'était pas tellement est-ce que ça va se passer, mais quand est-ce que ça va se passer ? Même si on ignorait bien sûr toutes les dimensions qu'allait prendre une sorte de guerre industrielle, c'était la première fois que ça se passait comme ça, ça c'est clair. Mais donc on voit vraiment Schweitzer qui est accablé par les nouvelles politiques de son temps, qui est déchiré aussi par le fait que la France et l'Allemagne se déchirent. C'est le seul moment où il y a un conflit entre Hélène et lui, parce qu'Hélène se dit « Ah ben si l'Allemagne réussit à récupérer une bande du Congo, ça pourrait favoriser nos intérêts, puisqu'on pourrait aller avec une mission allemande. » Et puis Schweitzer lui dit « Moi je suis très déçu de l'Allemagne, j'attendais beaucoup plus d'elle. » Et puis là, il y a quelques petites tensions dans la correspondance, c'est la seule fois qu'on les voit. Et c'est Hélène qui finit par dire « J'aimerais qu'on passe à un autre sujet. » Voilà. Il me semble avoir lu dans ma vie ma pensée, je pense que Schweitzer a dit que l'Église catholique était beaucoup plus adaptée à la, disons, à la culture africaine, puisque plus communautaire, moins la conversion individuelle, le cheminement individuel. Et je me suis dit, mais c'est une liberté de pensée pour l'époque qui est assez étonnante. Puisque dans la mission, en tout cas, moi j'ai un grand-père missionnaire, je sais que les tensions étaient terribles. Mmh. Puisque même certaines missions allaient jusqu'à donner de l'argent aux gens qui étaient convertis au protestantisme pour qu'ils viennent au catholicisme. Mmh. Mais on a l'impression que Schweitzer, lui, ça, il est au-dessus de tout ça. Il a une liberté et donc l'histoire de... Et est-ce qu'il a... Oui, est-ce qu'au fond... Bon, il n'est pas, de toute façon, il n'est pas dans une logique conversionniste, si on veut, puisqu'il dit clairement qu'il y va pour éduquer et pour enseigner. Et puis il a cette phrase, à un moment donné, il dit, de toute façon, on a commis tellement de crimes que même si pendant 1000 ans, personne ne se convertissait, eh bien, nous n'avons pas le droit de murmurer, il faut continuer à agir. Donc il n'est pas dans cette logique. Oui, je crois qu'il y a un certain nombre de témoignages. Bon, on a aussi fait appel aux soignants du côté catholique, hein, qui montrent que cette... ouverture écuménique, mais qui pouvait assez difficilement se présenter sur le terrain en Alsace avant la Première Guerre mondiale, a pu un petit peu plus se pratiquer à Lambaréné. Il parle jamais non plus dans ses écrits, on n'a pas l'impression qu'il y avait quand même une faculté de théologie catholique depuis 1903 à la Kaiser Wilhelms Universität. Il parle jamais des collègues catholiques ou de l'université catholique, alors elle était peut-être pas forcément dans la force de l'âge, et puis à mon avis il devait y avoir très très peu de rapports à l'époque. Je suis même pas sûr que les protestants n'aient pas combattu le fait qu'il y ait une faculté de théologie catholique, mais en tout cas bon, cette ouverture, oui, je pense qu'elle fait aussi partie de Schweitzer. Aussi peut-être parce que il n'est pas tenant d'un christianisme qui soit avant tout doctrinal. Il est plutôt tenant d'un christianisme qui soit marche à la suite de Jésus. On peut plus facilement s'entendre, oui. Maintenant, ce qu'il n'aime pas chez le catholicisme, ça il le dit clairement avant la Première Guerre mondiale, après, c'est le fait que le catholicisme dit à ses théologiens ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent écrire, ce qu'ils doivent trouver lorsqu'ils interprètent la Bible, et non, ça ne lui plaît pas du tout. Alors de temps en temps, il y a aussi des pics dans ses sermons contre cet aspect du catholicisme. À l'inverse, il n'était pas non plus un partisan des fêtes de la réformation triomphaliste. On le voit dans les sermons qu'il peut prononcer à ces occasions-là. Il a plutôt tendance aussi à souligner les points faibles des réformateurs, le fait qu'après coup, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, il y a aussi des gens comme Spener, Oberlin, etc. Donc il est là encore un peu nuancé. Merci de votre attention. S'il y a encore des choses que des gens préfèrent discuter en particulier, moi je reste encore un peu à votre disposition. Merci.